Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Le son débarque sur Radio Web Passion. Vous êtes bien à bord d'Only Rock pour une heure et demie de musique, forcément rock, avec Fabien Micro. Pas de panique. Voilà, on n'est pas en sous-marin, on n'est pas dans un radar, pas de problème. On est bien au studio de Radio Web Passion. D'ici quelques minutes, mes invités vont arriver parce que je vous le rappelle, aujourd'hui, de 18h à 19h, je reçois Mickaël Avoriaz pour son projet musical qui s'appelle tout simplement Avoriaz. Avec ces musiciens qui seront là tout à l'heure. Ils ne devraient pas tarder à franchir la porte du studio. Donc, pas de panique. En attendant, on va se faire une petite playlist bien, bien tranquille. On va démarrer tout de suite avec forcément un titre des Foo Fighters. Le titre, c'est Big Me. Hein, on peut dire qu'au début de ce mois, les Foo Fighters ont annulé leur van tour. Hein, le voyage qui devait initialement se dérouler en avril et mai de cette année a donc été reporté à cet automne, là, 2020. En raison forcément de la pandémie du coronavirus. Vous le savez, le Van Tour était censé voir les musiciens des Foo Fighters jouer dans les mêmes villes que lors de leur tournée de 1995, lorsque Dave Grohl, Nat Mendel et Pat Smear ont pris la route dans un Van Dodge. Rien que ça. Donc tout de suite, dans le New Rock, il est 17h35, Big Me, c'est les Foo Fighters. Yeah. L'invité d'Only Rock. Eh bien, l'invité d'Only Rock, c'est d'ici quelques minutes, encore allez, une petite vingtaine de minutes à patienter pour qu'on puisse parler pendant une heure avec les musiciens du projet Avoriaz, un musicien très très riche musicalement et culturellement. Vous allez voir, on va en parler tranquillement pendant une heure. On continue notre parcours musical dans Only Rock avec forcément un groupe dont on a entendu parler il y a quelques jours, quelques semaines avec le film documentaire sorti au cinéma White Riot. Forcément, je veux bien sûr parler des Clash et d'un titre un peu particulier. Le titre, c'est Rock the Casbah, parce que c'est une anecdote par rapport à cette chanson qui est relatée dans le documentaire de Joe Strummer, The Future is Unwritten, réalisé par Julian Temple, sorti en 2007. Alors qu'il était interviewé dans ce documentaire consacré au leader des Clash, un ami donc de Joe Strummer se souvient que Joe Strummer avait pleuré le jour où il avait appris que ce titre-là, Rock the Casbah, de sa chanson, avait été utilisé sur une bombe lors forcément d'une guerre. Et voilà ce que dit cet ami, je le cite, « Je l'ai vu pleurer parce qu'il avait lu dans le journal que sur une bombe américaine qu'ils allaient lâcher en Irak, ils avaient écrit Rock the Casbah. Il m'a dit en pleurant, et ça c'est Joe Strummer qui dit ça, je n'aurais jamais cru qu'une de mes chansons puisse devenir un symbole de mort sur l'une de ces foutues bombes américaines. Et forcément, c'est pas le monsieur qui est à la Maison Blanche qui va redorer l'image de l'Amérique. En attendant, nous on se fait plaisir avec Rock the Casbah, les Clash, eh bien c'est maintenant. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. En direct et toujours donc sur Radio Web Passion. Il est 17h42, mes invités ne devraient pas tarder à franchir la porte du studio. En attendant, comme je vous le disais, bah nous on continue notre parcours avec un invité que j'avais reçu dans les studios de Radio Web Passion. C'était le 28 novembre 2018, et oui, déjà presque maintenant 2 ans bientôt. Un Américain, musicien américain de folk, Monsieur Joshua Cook, était venu pendant 1h30, 2h même, nous parler de sa musique, de ses influences, de son parcours en Amérique et en Europe, bien évidemment parce qu'il joue également aux Pays-Bas, en Angleterre et bien sûr en France, et notamment à Orléans. Hein. Voilà, originaire de New York, voilà, il a joué encore récemment. Donc américain, guitariste, chanteur de rock, blues, folk, seul en scène, le plus souvent, ou parfois à 2 ou à 3 musiciens, ça dépend. Eh bien, je vous propose d'écouter un titre aujourd'hui, dans une époque où on est un peu après un post-MeToo. Voilà, je ne sais pas trop comment ça pourrait être pris, mais voilà, on est artiste et on l'assume. Le titre de Joshua Cook que je vous propose tout de suite, c'est « Two Women, One Problem ». Joshua Cook. Two women, one problem, and nowhere to turn. Two women, one problem, now I'm gonna burn. Mama said that you keep what you earn. I didn't listen, but now I learned. Two women, one problem, nowhere to run. It seemed like too good to be true. But what's a poor boy supposed to do? For both of you, two women, one problem, nowhere to turn. Two women, one problem, now I'm gonna burn. Said that you reap what you sow. I didn't listen, but now I know. Two women, one problem, and nowhere to run. I guess I brought it on myself. Oh well, I caught the tiger by the tail. I'm doing well. Two women, one problem, nowhere to turn. Two women, one problem, now I'm gonna burn. Mama said that you keep what you earn. I guess I never learned. Two women, one problem, and nowhere to run. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et voilà, les invités sont là, on va les présenter d'ici quelques minutes, je leur laisse le temps de s'installer tranquillement. On continue avec un grand monsieur de la musique américaine, monsieur Bruce Springsteen. Et peut-être que vous le savez, hein, si vous le suivez forcément, un nouvel album est prévu le 23 octobre de cette année. Le titre de cet album, c'est Letter to You. En attendant, je vous propose d'écouter un titre phare et bien connu de Monsieur Bruce Springsteen's The River, tout de suite. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do

La première fois que Jimi Hendrix Experience, un trio qui va contribuer à changer la face du rock, monte sur scène, c'est en France, mais où ? À Évreux, le 13 octobre 1966. Une plaque commémore d'ailleurs l'événement, arrive à Évreux. Mais comment le guitariste gaucher de génie arrive-t-il au Novelty d'Évreux, salle de cinéma convertible pour les concerts ? Eh bien voilà, un monsieur est dans l'histoire, c'est monsieur Johnny Hallyday, qui est en bonne partie responsable de ça, et il a la réponse, hein, parce qu'il il disait bah, voilà, qu'il avait simplement bluffé. Hein. Deux semaines plus tôt, le 29 septembre 1966, Johnny est en effet à Londres pour enregistrer La Génération Perdue. Enviré dans un des clubs de la ville, le Blaze, le jeune rocker préféré des Français, en prend plein les yeux et les oreilles quand Jimi Hendrix, venu dans le Swinging London pour percer en flammes la scène. Je vous laisse avec forcément le titre phare, Hey Joe. Where you gonna get d'Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. L'invité d'Only Rock. Eh bien, l'invité d'Only Rock, c'est maintenant. Je reçois le projet musical ambitieux et néanmoins qualitatif Avoriaz. Et pour en parler, je reçois Mickaël et Antoine du projet musical Avoriaz. Bonjour Mickaël. Ouais, bonsoir à toi. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, déjà, première question, comment ça va aujourd'hui, 22 septembre, 18h tout pile, on est à l'heure, ça tombe bien. Bah ça va. Ça va tranquille ? Tranquillement. Bon. Journée un peu chargée, speed, mais je pense que c'est un peu le monde artistique. Ouais. Enfin, et voilà. Bon. Donc, émission un peu particulière, parce que forcément, on a désinfecté un peu le studio, les micros, il y a du sopalin sur les micros, donc voilà, si le son s'en ressent, bah... Hein, vous nous le dites sur la page Facebook de l'émission, c'est émission Only Rock, donc n'hésitez pas à interagir. Et pour commencer, j'ai envie de dire, présentez-vous un peu aux auditeurs et auditrices d'Only Rock, Mickaël et Antoine, un peu, en quelques mots, parce qu'on va pas forcément faire la biographie. Voilà. Ça pourrait être longue. Mais voilà, c'est un projet qui est pour moi la racine de tout, un projet humain, et puis dans ce projet humain, voilà, il y a des artistes, pour ma part, musicien depuis un petit bout de temps, depuis 96, ouais. J'ai bourlingué dans 2-3 autres formations, je citerai les Garens, en faisant en 2-2 ma présence, même si j'étais présent sur plein de trucs, mais voilà, je me suis aperçu qu'en faisant même 2-3 trucs du gospel et compagnie, j'en revenais toujours à Avoriaz parce qu'il y avait quelque chose. Pour le côté j'ai un boulot alimentaire, mais c'est vrai que je vis pour cette passion qu'est la musique, et je veux vraiment l'amener le plus loin possible, tout en étant réaliste du monde actuel. Voilà, donc on en discutera ou pas, mais voilà, il y a des objectifs, on va en discuter. Donc, que dire de plus, la quarantaine. Tu l'étais pas. Ouais, c'est gentil. On est à la radio. Voilà, il y a des cheveux poivre et sel. Mais voilà, c'est un projet depuis 15 ans, donc il a eu le temps de mûrir, et avec ça, le bonhomme qui va avec. Et puis voilà, pour ma part, c'est vrai que... ce côté humain doit se ressentir, et c'est vraiment un projet de valeur, et voilà. Ouais, je vais m'arrêter là, mais... Antoine, en quelques mots, si tu peux te présenter, ton CV, tes influences, voilà. moi, côté musique, batteur du groupe, dans le groupe Avoriaz, ouais. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, bon après j'ai eu des coupures, et puis depuis le projet Avoriaz, me revoilà en tant que batteur. Ouais. Et puis à côté, j'ai un boulot de technicien. Dans le son, dans l'image, dans le... Non, rien à voir. Dans le monde du poids lourd, dans les haillons. D'accord, ouais. Donc voilà, et puis un peu plus jeune que Mika. Ouais, et que la batterie, ou t'as touché à d'autres instruments ? J'ai touché à d'autres instruments, mais guitare. Ouais. Guitare et un tout petit peu le piano, mais ça reste quand même mon instrument de prédilection, ça reste la batterie. Avant Avoriaz, participation à quelques groupes d'Orléans. Je ne suis pas d'Orléans. Ouais. C'est pas grave, il y a des gens bien quand tu seras d'Orléans. Voilà. Je suis de Lyon, mais à l'âge de 15-16 ans, j'avais un groupe. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, les études font que. Et après, du coup, plus de musique Plus de musique, non. Ouais. Pas du tout le temps. Quoi, c'est une rencontre qui t'a fait revenir à la musique avec Avoriaz. C'est ça, c'est Mickaël la rencontre, ouais. Surtout. Voilà. Et des fois, il suffit de quelque chose. Alors, je vais vous demander un exercice un peu difficile. Ouais. Allez, en quelques mots, si vous deviez définir le projet Avoriaz. En quelques mots, parce que là, on a une heure pour en parler. Mais si vraiment, on le synthétise. Alors, impact. Émotionnel, voilà. Ouais. Imagination, et grosse sensibilité. Ça touche à beaucoup de sens. Tu vas vite comprendre. J'ai un peu potassé le travail. Oui, je sais, mais nous on est venu avec des choses que on va t'apprendre aussi. Tu vois. j'espère bien. Eh bien, on va commencer tout de suite, pourquoi pas, on va faire une... Je sais pas, t'aurais envie de dire aussi, non, t'as tout résumé, en fait. Ouais, c'est trop fort. Bon, salut, on y va. Bon, Voilà, et c'était ça le projet Avoriaz. Allez, voilà. Dire trois mots. Allez. Bah voilà. Mais nous, on fait une pause de 5 secondes et on revient juste après. Only Rock, yep. La passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Donc, le projet Avoriaz, tu l'as dit, Michael, Antoine également, c'est un concept. Ouais. Hein. Alors, première question qui peut paraître un peu anodine ou bête, mais ça c'est moi. C'est moi qui le pense. Avoriaz, la station de ski. C'est ça. Mais alors pourquoi la station de ski Avoriaz? Pourquoi pas Courchevel ou Méribel? Parce qu'il faut en citer trois. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des consonances dans ma vie où il y a certaines lettres qui me correspondent, donc qui m'impactent. Ouais, j'ai dit ce mot-là. Et en fait, c'est bête et méchant. Alors, tu pourrais dire que c'est ça, les coïncidences de la vie. Mais t'as 22 ans, t'as envie d'avoir un bébé. Tu vas dans un magasin pour acheter une collection de meubles pour bébé. Ouais. Et il y a la collection Avoriaz. Et t'as 22 ans et ça t'impacte direct, quoi. Alors, tu laisses germer, mais tu reviens dessus, tu dis, ouais, c'est ouf parce que si j'ai envie de devenir un artiste, ce mot-là m'a scotché. J'en ai vraiment fait tout l'honneur que je pouvais à travers donc un ensemble de mots, d'associations d'idées, voilà, un pressbook, juste une page complète pour dire pourquoi Avoriaz dans le pressbook. Et c'est vrai que la notion de complémentarité de A à Z, jouer donc sur pour le côté folklore, jouer sur les pistes comme un des grands courants majeurs de la musique. Mmh. Et en partant de là, de se dire que si on rentre vraiment dans le conceptuel, de pouvoir en fait réinventer les codes de la musique à travers des codes couleurs, donc le vert, le bleu, le rouge et le noir, qui sur scène font que, de par la mise en avant de ces lumières, ça va inciter une émotion. Et comme moi je travaille aussi dans la déco, ça justement cet impact visuel et émotionnel de dire la couleur peut me faire ressentir quelque chose, et c'est là que vient se manifester sur scène la musique qui va être jouée en fonction. Après moi je suis un signe de terre, et bon, ça aurait, comme tu dis, ça aurait pu être un autre mot, mais en tout cas voilà, moi j'ai toujours été attiré par le A. J'ai beaucoup de choses que j'aime dans le A. Le A comme si, comme un chiffre premier, enfin comme une lettre première. Mmh. Et bon, toi, c'est bête et méchant, mais tu vois, Captain America, c'est mon personnage préféré dans les Marvel, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un fédérateur et c'est un homme de front. Et j'aime bien tout ce qui vient du front. Voilà. Donc la lettre A, ouais. D'être le gars qui se pose en A. Voilà, donc alpha ou ce que tu veux, mais voilà, donc toi, c'est plein de choses, hein. Il y a vraiment une page complète dans le pressbook qui présente. Mais le pressbook est plutôt bien fait, parce que quand on lit justement cette page autour du nom Avoriaz, ouais, tout ce que tu traduis du monde de la montagne, tu fais le lien avec la musique, ouais. Voilà, c'est vraiment une expérience. Il est bien fait, parce que ouais, forcément, quand tu le lis, quelque part, on te dit, mais, et c'est là où c'est un piège, on te dit, mais c'est évident, c'est facile, quoi. Comment est-ce qu'on n'a pas vu, nous, avant, ce lien entre la montagne et les émotions musicales, c'est et ça, la couleur musicale, quoi. Et en fait, ça paraît tellement facile que c'est peut-être ça le plus compliqué. C'est ça, il ne faut pas se planter, il faut être en lien avec ses vibrations, et puis que le projet, il voit qu'est-ce qu'il peut nous apporter aussi, parce qu'il ne faut pas se dire que c'est toujours nous qui apportons, mais que l'œuvre en elle-même peut aussi nous envoyer des choses. Et tu vois, de voir un mont devant moi et de me dire je vais devoir le gravir, et je pourrais dire que c'est un petit peu ce qui m'attend dans la vie, et de se dire voilà, et c'est là que je veux vraiment pointer et finir mon explicatif, c'est que le slogan d'Avoria, c'est esprit sans frontières. Et c'est vrai que de brasser tous les publics et de se dire que je vais venir comme une sorte de mini thérapie dans ta vie, où en fait toi t'es un gros hardos de la mort, et je vais te faire écouter du tribal, je vais te faire écouter du médiéval et tout ça. Et moi, c'était pas mon but, fais-moi du métal ou fais-moi du hardos. Et en fait, de dire, mais putain, en fait, ça fait un travail sur moi, sur dire, finalement, pourquoi je me suis autant limité à vouloir n'écouter qu'un seul angle de la musique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, du coup, que tu parlais des couleurs des quatre pistes au ski. C'est ça. Et forcément, ça donne des couleurs musicales. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se dire, j'ai une formation musicale, j'ai un projet musical, mais je vais pas forcément me cantonner à un style. Alors, parfois on peut faire du rock, on peut avoir quelques titres qui touchent un peu vers la game, vers le pop rock, ou alors du rock industriel. Tout à fait. Mais là, la palette, elle est complète. Elle est assez large. Elle est complète, puisque en fait, merci d'avoir. Je remercie mes mains, je sais pas, mais d'avoir pu écrire des choses qui, au fur et à mesure des années, j'en arrive à une quarantaine, qui me permettent de me dire oui, tu fais pas que parler en fait. Vraiment, aujourd'hui, tu as une certaine aisance. Du jour au lendemain, on va partir donc, par exemple, sur la Dame aux Camélias, et puis le coup d'après, on va partir sur Jeanne d'Arc. On va aborder des choses, et à partir de là, c'est là où pour moi, il y a le vrai piège. C'est quand tu veux faire une œuvre qui respire quelque chose de profond et de dépaysant, jusqu'où ta technicité, ton amour pour ta passion de la musique, va faire que tu vas. Tu vas les transporter, mais tu vas les amener vraiment ailleurs, quoi, tu vois, voilà. Bah, c'est ça, après, c'est le gros travail de fond qui est propre à la musique et à la technique pure. Mais voilà, c'est quand même cette volonté de se laisser aller, voilà, d'une sorte de thérapie de lâcher prise, où on apprend sur soi et qu'on se bride pas autour d'un... Tu vois, on fait un album, on fait 10 albums. Non, ça marche pas pour moi, par exemple. Tu vois, c'est pas ma conception, mais de se dire ça y est, on a fait le tour, et ben qu'est-ce qu'ils vont nous pondre à l'album prochain. Donc c'est là où on peut mettre en avant l'histoire des cycles, puisque bon, parlons des couleurs, la piste verte, donc c'est tout ce qui est world, tout ce qui va être un peu tribal, musique du monde, enfin voilà, festif. Piste bleue, c'est les musiques aériennes, donc les musiques futuristes, tout ce qui va être un petit peu jazzy, tout ce qui va être propre à l'intellect, un peu d'improvisation. C'est pas encore prévu, ça. Non. Mais bon, pourquoi pas, c'est bien. T'as dit quoi, improvisation? Je note sur la liste, tu vois. Piste rouge, ça va être tout ce qui va être groovy, musique un peu rebelle, mais qui est pas encore dans le saturation, mais voilà, ça va être ça peut être du reggae, mais un c'est peu soul, ça, un peu funk. Ouais, funk, c'est ouais. Ça, funk, ouais, voilà. Et puis après, la piste noire, bah, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui va être musique saturée. Donc, musique noire, mais noire par rapport au scénario, parce qu'il faut savoir qu'après, il y a d'autres dimensions qui viennent. Il y en aura encore deux. C'est l'immersive art, qui donc sera en fait un gros bloc qu'on va mettre en avant dans les objectifs, dont le crowdfunding, on en parle après. Mais ça va être de pouvoir mettre en avant toute la notion des arts sur scène. Donc du coup, ça va être tout ce qui va être cosplay, tout ce qui va être décor, tout ce qui va être scénarisation, parce que c'est vraiment le propre d'Avoriaz. Et donc par rapport à ça, les gens viennent pour un vrai spectacle, tu vois. Alors, je dis pas comme les Enfoirés, mais c'est un peu le même délire. Alors, c'est pas une comédie musicale, mais voilà. Et puis la deuxième, c'est d'avoir voulu créer un style à nous, représentatif de tous les styles, qui est le fusio. Et de pouvoir aussi, un peu comme certains groupes tourangeau qui arrivent à créer leur propre langage, c'est de pouvoir en fait avoir notre propre façon de présenter la musique. Et ce mot-là nous a, enfin voilà, apparemment ça n'a pas déplu. Alors Antoine, on a longuement entendu Mickaël qui parle très bien du projet Avoriaz. Comment est-ce que toi, Antoine, du coup, tu rentres dans ce projet et comment tu arrives à faire ta place et à impulser des choses dans Avoriaz? Alors déjà, pour savoir, quand je suis rentré, c'est Mickaël qui m'a contacté via Facebook, qui m'a parlé du projet Avoriaz, ouais. Et m'a envoyé plusieurs extraits de titres. Et donc là, j'ai vu qu'on n'était pas axé sur voilà, rock, hard rock, machin, c'était très ouvert. Donc c'est ça aussi qui m'a plu, me dire en tant que batteur aussi, de se dire on n'est pas fermé sur un seul univers. Mais voilà. Justement, et techniquement, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, oula, comment je vais passer du funk à du hard rock un peu plus dur, ou pourquoi pas du jazz? Alors, ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite. Ça m'est venu à l'esprit au premier répète. Voilà. Mais du coup, ça, pour moi, c'est un challenge du coup d'adopter plusieurs jeux sur la batterie. Pour moi, en tant que batteur, je me dis, c'est, voilà. Il y a quelque chose à faire et essayer d'adopter plusieurs jeux. Ça te demande un peu de travail de ton côté, justement, à travailler l'instrument sur les différents morceaux? Ça demande beaucoup de travail, parce qu'on bosse aussi, on essaye de ne pas être linéaire dans les morceaux, ouais. Sur un jeu de batterie, donc on essaye beaucoup d'avoir de contre-temps. Et donc les contretemps à Calais, c'est extrêmement difficile, donc ça demande beaucoup de boulot. Ouais. Et est-ce que, alors peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que tu peux arriver à donner ta patte, à mettre un peu d'Antoine dans Avoriaz, ta couleur de par tes percussions? Je pense que ça va venir. Il y a un morceau, on a eu un morceau là que Mickaël a composé et je bosse dessus sur un jeu de batterie que je n'ai pas encore fait écouter. Ouais. Donc je pense que ce prochain morceau, il y aura un peu plus ma patte niveau batterie. Quoi. Et toi, Mickaël, du coup, est-ce que peut te laisser surprendre un peu parce que ce qu'Antoine peut amener. Parce alors, que je me, de la nourriture je me fais, toi, alors, attends, ouais, je me fais beaucoup surprendre, mais tu sais, c'est pas forcément que par la musique, en fait. Et c'est vrai, comme je dis, les dimensions humaines sont primordiales. Et déjà, en fait, tu vois, j'ai été beaucoup bluffé parce que avoir la confiance de musiciens, c'est pas rien. Et vu qu'on commence à mettre en place une méthode ensemble et que cette méthode, elle est éprouvée, parce qu'on répète, en fait, limite des fois on repart de rien, mais tu sais, de que dalle, quoi. Et en fait, de dire voilà, on va mettre tel temps là, machin. Et en fait, c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, on est anti-code, c'est-à-dire qu'en fait, on va se dire oh mais tiens, ah c'est du rock, ah faudrait que ça sonne comme ça. Ben non, en fait, on se dit on était des bébés et on prend les trucs et on fait notre truc à notre sauce et on est influencé de rien, tu vois. Et c'est là que il y a les sourires qui commencent à apparaître et les machins, et putain, ça y est, on a trouvé un groove de... Voilà, c'est ça, en fait. On a trouvé notre groove, mais toi, ça passe par déjà cette approche de l'un et l'autre, tu vois. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, il n'y a rien de plus précieux. Ça veut dire que vous avez commencé, avant même de parler musique, vous avez commencé à faire connaissance l'un avec l'autre. Oui, mais après, quand on s'est mis dans le truc, hein, dans l'arène, c'était pas évident parce que fallait bien qu'on commence de quelque part et en fait, on était vraiment devant la feuille blanche. Moi, j'avais beau avoir mes morceaux, de pouvoir après créer un truc ensemble au niveau sensibilité et niveau émotionnel dans le jeu, ouais. Et puis dans la technique aussi, ben, je peux te dire que c'est à la fois le plus grand piège et puis à la fois le truc le plus magique. Et puis vraiment, on a eu des moments durs, puis on a eu des moments très, très forts. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir... pendant ces trois derniers mois, plus que des choses moins évidentes, et c'est ça que je nous souhaite pendant toute toute cette aventure. Et ben, donc, de votre côté, voilà. Est-ce que là, pour donner un petit peu envie et un peu faire découvrir le projet Avoriaz, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait d'une des créations Avoriaz? Je vous laisse la main. Eh ben, écoute, c'est vrai que bon, c'est des trucs qui ont été enregistrés il y a un petit bout. Je te laisse. C'est même toi qui vas choisir entre, tu vois, Anvers et puis Downton. Entre Anvers, entre tout et Downton et son Rabespierre. C'est ça. Allez, on écoute un petit extrait tout de suite et on en parle juste après. Anvers et contre tout. Envers et contre tout, c'était Avoriaz. Pour le découvrir, il faudra encore patienter quelques instants. Alors pourquoi avoir choisi ce titre Envers et contre tout Parce que déjà, en fait, c'était l'un des premiers morceaux enregistrés en EP ces rencontres qui comptent. C'est vrai que c'est un morceau tel que j'aime bien les vivre. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de très complexe. Alors, j'ai pas dit compliqué, mais j'aime bien, en fait, construire un super beau labyrinthe pour me dire à la fin, oh, en fait, la route, elle était toute droite. Et en fait, c'est un morceau qui a une route toute droite. C'est vraiment d'une simplicité, d'une fluidité. C'est pas technique à flot. Mais par contre, il y a un très beau scénario qui tout de suite, les gens comprennent, qui peuvent s'approprier à eux. Et puisque voilà, faut pas oublier, on en a pas parlé, c'est la scénarisation qui fait le cœur même du projet. Et voilà, ça fait partie de ces morceaux qui sont un peu. Pour moi, la musique doit être universelle. Et puis, ben, quand on y est le plus proche, c'est gagné. Mais voilà, ce morceau en fait partie. Il y a des morceaux beaucoup plus torturés, beaucoup plus justement qui font partie des labyrinthes au niveau apport technique et puis même au niveau de la du côté torturé dans le scénario. Lui, voilà, c'est un lumière, c'est un soleil, voilà, tout simplement. On aborde un petit peu la scénarisation ou vous voulez un petit peu revenir un petit peu sur le concept? En fait, là, on a des questions. Donc, oui, bah, y a pas de problème. Donc, visio, oui. Mélange de voilà du visio et de la musique World Fusion. C'est ça. En quelques mots. Voilà, t'as tout dit. Donc, c'est de pouvoir en fait s'ouvrir les champs, si un jour on est en manque d'inspiration, de dire oh les gars, on a composé des trucs. C'est quoi Avorias? Qu'est-ce que c'est la patte? Faut pas l'oublier. Et en fait, voilà, d'arriver à se dire. C'est quoi qui nous caractérise? Et ben en fait c'est très simple, tu vois, là je vois un casque de moto, tu vois, je sais pas, je me dis tiens, j'ai un rouleau de machin et un rouleau de essuie-tout, et je me dis qu'est-ce que je pourrais composer là-dessus, tu vois. Et en fait c'est vraiment cet esprit-là. Moi je vais n'importe où, je vois, tu vois, j'ai vu un jour un chrysanthème et j'ai pondu une composition de la mort, tu vois. Vraiment, j'ai apprécié composer ce truc-là au niveau scénaristique. Et ce morceau, il est vraiment magnifique. Mais voilà, en fait, il y a tellement pas d'ouverture, et je trouve que c'est ça ce qui fait pour moi la beauté d'un vrai artiste, c'est qu'il sait être à son écoute. Et qu'il ouvre comme un entonnoir. Et en fait, il peut décider du sens qu'il donne à son entonnoir. Et pour moi, en fait, on se sert d'un détail pour en faire un univers et pas l'effet inverse. Donc tout est possible, en fait. Et ce champ du possible me cause beaucoup. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais voilà, le côté scénaristique est prépondérant dans les morceaux. Ouais. Justement, en parlant de scénarisation dans vos morceaux, en lisant forcément le pressbook, je vois qu'il y a le fil conducteur, la phrase clé, la phrase témoin. Ouais. Comment est-ce qu'on construit un morceau avec ça en tête? Parce que de ce que j'ai compris, mais peut-être que j'ai lu un peu de travers. C'est une sorte de gimmick, ça, la phrase clé, la phrase témoin, c'est quelque chose qui va revenir de façon récurrente, régulière. Rappelle-toi, tu me demandais ce que j'avais envie de dire en quelques mots, j'ai dit le mot impact, et c'est vrai qu'il va rester ce mot, puisque les gens, par exemple, s'ils écoutent une piste noire qui s'appelle Ginger, qui est sur la guerre du Vietnam, la thématique, c'est l'amour par la perte. Donc cette fille va perdre son père, et c'est là qu'elle va s'apercevoir à quel point elle l'aimait. Et là, la phrase clé, c'est nous ne sommes que le témoin d'un autre, enfin que nous sommes le gardien d'un autre. Et en fait, voilà, par exemple, on pourrait se dire que c'est le gardien naturel d'une relation père-fille. Et en fait, il va sacrifier sa vie pour une autre fille, mais qui n'est pas la sienne. Et en fait, tu vois, quand tu lis le fil conducteur à une phrase clé dans la chanson, qu'en plus dessus, tu viens y mettre une couche par rapport à une thématique, que cette thématique, elle est gonflée. Il y a du relief par rapport à l'ambiance, à l'époque, au scénario, et qui en plus il y a une musique qui est vachement saturée, qui a de la poigne aussi, et que tout ça c'est dans une émotion qui se ressent tout de suite. Bah tiens, à un moment donné tu te dis qu'est-ce qu'on fait de mieux, quoi, tu vois. Moi personnellement, voilà, moi c'est tout ce que je voulais atteindre, et puis voilà, moi je veux suivre ça tout au long de ma vie, quoi. Antoine, un mot sur cette partie de la création dans Avorias? Est-ce que tu participes un peu à la création de l'histoire, justement, dans le morceau? À l'heure actuelle, non. Non? Non, pas pour l'instant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait envie, ou alors, du coup, tu te sens plus dans l'âme d'un interprète et de jouer les morceaux? Pourquoi pas, ça me fait envie. Enfin, plutôt voir avec Mickaël, enfin, co-écrire un truc ensemble. Mais ça... Ça demande à maturer un petit peu. Voilà, maturer, ça va venir avec le temps. Mais oui, c'est quand même des idées qui sont dans les cartons. Et du coup, pour se rendre compte un peu, une chanson qui peut s'écrire, ça représente un dossier de 25-30 pages, c'est ça? C'est ça, ce que ouais. Tu dis, c'est, ouais. Parce que forcément, le concept, c'est, on l'a peut-être pas encore dit, mais on va en parler, c'est le visuel, ouais. La scénarisation, on en parlait, la composition, forcément. Tout ça, ça fait... parce que, comme tu disais au tout début de l'émission... un morceau, ça t'ouvre à plein de champs du possible. Ouais. Alors aussi bien dans le visuel. Oui. On n'a pas parlé d'un truc, oui. C'est vrai. Eh ben, vas-y, t'as la parole. Sinon, après, on peut enchaîner sur la part alors, visuelle du morceau, parce que ça, ça peut être intéressant aussi. Oui, carrément. Parce que forcément, la musique donne des émotions, et après, chacun y voit un petit peu. À sa façon. Touche, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis gardien à fond, et je me présente comme un compositeur de films. Et autour de ça, j'y crée aussi la musique qui va bien, la musique d'ambiance. Sauf que cette musique d'ambiance, ça s'appelle la musique de grande écoute et pas forcément des musiques de bande originale. Ce que je voulais dire, c'est que on en arrive même aujourd'hui, pour te montrer ce qu'on peut faire avec le champ du possible, c'est qu'en fait, j'ai créé des volets. Et maintenant, j'en suis à 3 volets. C'est-à-dire qu'en gros, on découvre des personnages qui peuvent en fait rebondir dans le temps ou rebondir à d'autres époques de leur vie et en fait créer des suites de voilà, t'as un morceau qui s'arrête, très bien, chapeau, très bien, ça m'a plu, puis hop, tu réécoutes sur le deuxième album, t'as la suite en fait, tu vois. Et en gros voilà, j'en ai fait comme ça 3 où il y a des personnages et qu'on découvre et qui d'album en album. Mais c'est des personnages qui naissent avec la chanson, avec la musique, ou bien ils sont indépendants de la musique et c'est toi qui crée le personnage en lien avec la musique. Alors c'est quoi le lien, le rapport, hein? C'est toi. Je vais donner un exemple. En fait, il y a un morceau qui s'appelle, et c'est mon morceau préféré d'Avorias, qui s'appelle Une bouteille à la mer. Et en fait, je donne vie à une bouteille donc avec des yeux qui s'ouvrent, donc le côté yin, le côté féminin, et à l'intérieur un halo rouge qui est en fait un cœur qui bat, qui est en fait le sceau qui retient un message. Et en fait, donc en gros, la symbolique du bébé, elle doit se contre vents et marées subir tout ce qui va pouvoir être déchaîné par rapport à la mer. Et bon, en gros, la symbolique de la vie éprouvée. Et hop, elle échoue sur une île. Et il y a un garçon qui la prend, et ce garçon va être Majid, qui va être un des deux personnages symboliques du morceau Là où la vie m'emmène. Et en fait, on redécouvre donc il y a une chanson qui fait un hommage à leur relation amoureuse, et il y a un troisième volet qui en fait parle de pourquoi ils ont voulu en fait s'échouer sur une île déserte. Mmh. Et en fait, c'est leur vie d'avant, où ils s'étaient bridés de tout, où ils voulaient cette vie de consommation, à l'inverse de la vie où on s'éprouve, où on ne retient rien. Et voilà, en fait, c'est des choses qui, tu vois, j'avais pas prévu d'en arriver à créer ce champ, cette connexion avec ces personnages-là. Ça veut dire que ça peut ouvrir la page d'un scénario pour un clip, pour une chanson, par exemple. Pour un clip. Parce que voilà, forcément derrière on veut parler de clips, on en parlera juste après, mais après voilà, c'est histoire de dire que je fais un morceau et c'est pas forcément dans un but de le relier à d'autres musiques, mais c'est vraiment après dans l'intelligence ou dans la quelque part dans l'évidence, tu vois. Mm-hmm. Que ça forcément je vais vouloir les connecter. Donc au début j'avais deux morceaux, donc que les vents tournent, qui était complètement indépendant, et en fait j'ai bien vu qu'il fallait en faire la liaison avec un morceau qui s'appelle Syndrome H, et il y en a un troisième qui donc s'appelle Paradise, et qui est sur le thème du fantôme de l'opéra, qui fait partie donc de cette volonté de faire un troisième album, alors que le premier il n'est pas encore commencé. C'est cool, hein. Je parle de en studio, hein, d'enregistrement. Ouais, oui. En studio, mais voilà. Et mais pour te montrer un petit peu dans les coulisses comment je vois la créativité. Bien. Ça me vient, une image me vient, mais j'ai un peu honte de la poser. Vas-y. À certains côtés, ça pourrait me faire penser, de très loin, hein, toute relativité bien sûr gardée, à une comédie musicale. Parce que musique, scénarisation, décor, visuel, enfin, voilà, il y a tout ça. Mais alors, voilà, je dis bien. Tout relativisme, mythe. Voilà, ça, ce qui est intéressant dans la comédie musicale, puisque c'est un univers d'où je viens, ce qui est un peu bridant, c'est le côté musique pour faire un spectacle dansant, mais avec cette image un peu stéréotypée qu'on a de la comédie musicale. Après, voilà, moi je vais plutôt me cataloguer dans l'esprit de M, qui fait du spectacle, mais tout en gardant la notion de pattes qui s'ouvrent, et on fait un spectacle, mais bon, après tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment te dire moi ma façon, mais moi je serais plutôt dans l'esprit d'elle. Le point de départ, c'est la musique. Bah, c'est la musique, ouais, parce qu'avant tout, j'étais musicien au démarrage. Et puis après, bon, d'en être arrivé à vouloir composer des œuvres visuelles, bon, ça, c'est venu avec le temps. Voilà. Et pourquoi uniquement des textes en français dans Avoriaz ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que on pourrait se dire aujourd'hui, les groupes qui naissent, qui ont envie de jouer, forcément, ils vont peut-être adopter l'anglais pour, et pourquoi pas, s'exporter à l'international. Alors, j'ai même osé te le dire. Et c'est intéressant parce que du coup, voilà, le français, c'est une langue qui est riche et qu'il faut défendre, qu'il faut maintenir parce qu'elle a été attaquée dans le passé, elle est toujours attaquée par moments. Il faut la préserver aussi, cette langue-là. Alors, je vais même te le dire, c'est une très très bonne question en fait. Alors, il y a deux choses à dire. J'en ai quelques-unes parfois. Hein. Non, mais parfois, non, mais je te jure. Ah, bah, je ne peux pas être très bon hein, tout le temps. Hein, tu veux le réveiller, c'est bon. Hein. Voilà. Là, tu montes en crescendo, hein, vas-y. Ouais. Hein, moi, les prochaines, hein, je suis au taquet, là, j'attends. Là. Oh, j'en ai plus, là. Bon. Oui, oui, oui. Mais en fait. Le français, oui. Il y a le fait que moi, je déteste, en fait, lire. Je déteste le français à l'état pur, dans le sens. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Tu parles du français en. Ouais, en général. Ouais. Et en fait, cette animosité, j'en ai fait une arme de bataille. Et je me suis dit, bah voilà, c'est bien beau de critiquer, de dire que c'est pas bien. Mais maintenant, fais ton kéké, et puis on va voir ce que tu vaux. Et en faisant ça, ça m'a permis de me dire, voilà, je la vois comme une amie. Mais une amie, oui, c'est clair, comme tu dis, sauvage. Pas facile à appréhender, et puis en fait c'est là où j'en ai fait un jeu, où je me suis dit voilà Coco, vois comment tu peux réinventer les attaques de mots, la rhétorique et tout ça, pour en faire quelque chose où tu as éprouvé ta langue, et elle t'a éprouvé aussi. Voilà, parce que c'est bien beau de dire, mais c'est un peu comme la musique, à un moment donné tu joues, mais si ta technique elle est pas au rendez-vous, t'auras beau essayer de batailler à mettre des mots. C'est-à-dire que l'écriture, c'est difficile, c'est douloureux. Oui, je trouve que c'est douloureux dans le sens où je me sens plus à l'aise dans la compo. Mais je trouve vraiment chouette pour moi, et je remercie donc les textes, enfin la langue, de pouvoir dire merci parce que tu m'as permis de dire rideau. Et de pouvoir dire rideau à une œuvre, de dire stop, c'est bouclé, je peux dire que c'est encore plus précieux quand tu t'éprouves et que t'es alimenté par des choses qui sont pas naturelles. Parce que comme je te dis, moi j'ai une animosité à la base. Donc j'ai pas un rapport de confiance ou un rapport, tu vois, je vais pas y aller parce que j'ai envie. Je suis plutôt dans rebuter, tu vois. Et voilà, je me suis servi de ça pour je dire, on va être en dualité, elle et moi, et on va voir ce qu'on en sort. Voilà. Et alors, pour illustrer la langue française, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait d'Avoriaz ? Alors, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc, c'est Danton, justement. On écoute un petit peu ? Vas-y. Allez, c'est parti. Souffle l'hécatombe sur une horde affamée de loups, de propres tasses pour fendre qui se disent enfants de la nation. Il est venu le temps qu'on fasse cesse l'immoral pour ces pantins flétris dans leur corps. Alors, Avoriaz, on entend une voix féminine. Oui, alors ça, c'est le. C'est un accident Ah, celle-là, je m'y attendais pas. C'est un duo, donc c'est à dire que ça le sera jusqu'à la fin de ce projet. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, la voix qu'on entend, c'est une chanteuse qui a fait partie du groupe en 2014, jusqu'en 2014. Puis après, le projet s'est complètement arrêté, même moi avec, tout, pendant 6 ans. Et parce que justement, j'ai eu du mal à me remettre de cette séparation musicale. Et voilà, j'ai tout repris, et voilà, cette année est la reprise. Et du coup, là, il y a une personne qui avec qui j'avais un petit démarrage un peu approximatif, et elle m'a dit non, moi je veux être là, tout ça. Et donc là, on se revoit là dans pas tard. Mais on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura une chanteuse, puisque c'est un projet de complémentarité, là encore, tu vois, A à Z, là c'est au niveau des voix. où moi je suis baryton basse, donc je vais plutôt chercher la bestialité et le côté rauque, et elle va plutôt aller chercher tout ce qui est volupté, tout ce qui est monté aérien. Et voilà, je sais que moi, avec une soprane, le mélange passe tout, en général très très bien. Et donc voilà, mais au niveau émotionnel, il y a besoin de cette présence, un peu comme, je sais pas, tu connais le groupe là, en ce moment, Earth and Black. Oui, qui sont passés en interview dans l'Irock, là, au moment de la sortie de leur album. Ok, voilà, et donc du coup, c'est dans cet esprit-là, et ça l'a toujours été depuis 15 ans, voilà. Mais du coup, voilà, c'est, moi je sais que j'ai mes limites, hein, je suis pas ténor, donc, il y a autant le pratique et l'agréable qui va faire que d'avoir cette chanteuse va tout changer au niveau de l'avant-scène, voilà. Très bien. Là, la question qui me vient, c'est forcément faire venir quelqu'un dans le projet, c'est d'abord une rencontre, mais comment est-ce qu'une nouvelle chanson, une nouvelle musique s'intègre-t-elle dans le projet Avoriaz? Est-ce que forcément elle trouve sa place directe ou est-ce qu'il faut que la musique bataille un peu pour trouver sa place et un peu trouver voilà, son univers qui puisse s'imbriquer dans le projet qui est déjà quand même bien avancé? Toi, tu disais que tu n'avais pas des bonnes questions, mais là, ça succède. Là. bah oui, en fait, il y a deux choses à retenir. Il y a en fait la nature même des sons. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, je voulais le faire. Mais tu peux y aller. Voilà. Mais la nature même des sons, l'empreinte émotionnelle et l'orientation peuvent faire qu'un morceau, par moment, peut être difficile à placer. Alors cette fois-ci, au niveau des pistes, puisqu'on disait vert, bleu, et en fait, pour certains morceaux, ça peut devenir un peu embêtant. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc voilà, déjà la place dans à quelle couleur on va l'attribuer. Mmh. Après, il y a un deuxième point. C'est que oui, en fait, les morceaux là qui viennent en ce moment viennent s'intégrer plus ou moins, puisqu'en fait, on parle d'une série de 4 albums. Il faut savoir qu'un album, c'est une couleur. Donc là, on commence par le vert, la genèse. Mmh. Et après, il faut relire les petits tags et les mots-clés qui sont propres à la présentation de chaque piste. Et donc voilà, par exemple, là, le hasard a fait que j'ai pu enfin découvrir ce que je voulais faire comme gamme et comme richesse de mélodie pour Paradise. Donc en fait, je voulais trouver un morceau qui fasse donc très tacatag un hug, donc un son d'organe, tu vois. Je voulais vraiment retrouver un truc mélodique comme ça, classique. Et en fait, je l'ai trouvé là, et ça a mis, tu vois, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'attendais de pouvoir trouver l'inspiration. Et bon, bah forcément, en fait, comme c'est le morceau emblématique du 3e album, qui est donc, je vais y arriver, le fantôme de l'os spectral, qui est le nom de l'album, donc piste rouge. Et en fait, voilà, en fait, tu vois, la nature des sons va faire que, comme c'est un univers qui va être cabaret rock par rapport à l'album, tous les morceaux qui vont forcément avoir une consonance avec Moulin Rouge ou des choses comme ça vont faire partie intégrante. Comme le 2e album, ça va être de la musique électronique à la Daft Punk ou Jean-Michel Jarre, tout ce qui va être musique futuriste, forcément, voilà. Et après, ça peut aussi être purement juste le scénario. Et donc, par exemple, si je prends le cas de... Je vais y arriver... La prophétie des âges, c'est que le scénario qui fait que le morceau va être mis dans le 2e album, puisqu'il a c'est un truc futuriste, alors que la batterie, elle est plutôt disco, c'est plutôt un truc assez moderne, mais voilà, tu vois, ça n'a rien à voir. Enfin, bon, ça reste un peu de l'électronique quand même, mais bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah bah, dans l'ensemble, oui, et là, j'en ai une autre qui me vient, hein, ouais. C'est un univers qui est très riche, très foisonnant. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà y voir aujourd'hui une adaptation sur une scène? Alors, est-ce que comment tu veux est-ce dire... qu'on peut traduire un peu cet univers qui est aussi bien visuel, scénaristique, conceptuel? Comment est-ce qu'on peut le traduire sur un set pour une scène d'1h30 par exemple? Quel choix faut opérer? Quel D'accord. choix faut faire? Okay. Quel choix on fait sur le décor, sur les personnages qu'on va prendre? Enfin, est-ce qu'il y a un fil conducteur extérieur quelque part qui relie un peu tout ça sur le set ou? Bah, tu vois, ça peut être ça. Hein. T'as bien résumé. Hein. C'est un melting pot. Après, c'est Alors bon, il y a des choses que je dirais pas ce soir, mais en fait, au niveau, au niveau monté, au niveau du projet, dans son évolution, s'il y a un premier album, forcément, ça va être le besoin de mettre en avant les morceaux du premier album. Mais au fur et à mesure, tu as tout à fait raison, si on fait les connexions avec les volets, si on veut un hommage à telle piste, enfin à telle couleur, piste verte, ben voilà. Si par exemple, là, tu vois, j'ai un cas, là, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de jouer au château de Yèvre-le-Châtel, ouais. Mais il m'a dit, il faudrait que ça sonne médiéval. Donc c'est-à-dire adaptation des morceaux, voilà. Donc avec forcément en première ligne Jeanne d'Arc. Puisque donc un morceau qui s'appelle Jeanne, ouais. On peut écouter donc des petites choses là-dessus, mais voilà. Et donc c'est tu vois, c'est, on pourrait avoir peur de dire ouais, mais c'est tellement vaste que ouf, comment on n'arrive pas à se perdre. Mais justement, c'est aussi de dire, s'il y a un travail de fond, on a tellement d'idées qu'on va pas en manquer, hein, ça c'est sûr. Et après, c'est, puisque moi public, je connais Avoriaz, où est-ce qu'ils vont nous embarquer, quoi. On voilà. Écoute un petit peu Jeanne en, ouais, fond, vas-y. En fond. Est-ce qu'aujourd'hui, Avoriaz, c'est un projet qui peut se décliner sous la vidéo, avec l'image? Carrément. Bah, on prend le cas de Jeanne d'Arc, par exemple. C'est en fait un. C'est en fait l'envie de pouvoir mettre en avant toutes les femmes qui ont pu incarner Jeanne d'Arc depuis toutes ces décennies, de pouvoir faire une captation du visage. Des multitudes de quand tu dis, excuse-moi, je te coupe, ouais. Toutes les femmes qui ont incarné Jeanne d'Arc. Oui. Tu penses aux fêtes d'Orléans? Oui. Ou au cinéma? Alors, pas, justement, au cinéma, bon, ça peut être les petits clins d'œil, mais mon but à moi, c'est d'aller voir ces femmes-là et de dire, est-ce que ça vous intéresse de faire du transgénérationnel? Oui, parce que là, tu vas remonter loin. Faut remonter loin, hein, ouais, voilà. Ouais. Mais en fait, voilà, ça, c'est déjà pour justement le fil conducteur et de se dire, vous avez toutes été des Jeannes, mais vous avez aussi eu une vie au demeurant, de mère, tout ça. Et en fait, le but, c'est d'arriver à se dire, on a tous un côté Jeanne en nous, de combattante, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est de pouvoir jouer sur ce témoin-là et de se dire que, voilà, on aurait, c'est mettre en avant le côté paysanne, donc qu'elle serait habillée en paysanne pour incarner c'est justement pop, ouais. cette symbolique. Et en fait, voilà, c'est de faire un panel, de dire, à travers la femme qu'on connaît d'elle, de Jeanne d'Arc, est-ce qu'on pourrait pas tous, s'y retrouver, quoi, tu vois, voilà, dans toutes ces symboliques, voilà, et c'est comme ça que j'ai envie d'aborder le délire. Mais voilà, donc quelque chose d'assez simple quelque part, mais je dis ça parce que je connais aussi mon côté tordu dans mes scénarios, et là c'est quelque chose d'assez réaliste, tu vois. Après voilà, c'est une aventure en soi déjà ce morceau, parce que d'aller voir ces femmes là et de leur proposer, c'est un gros travail de préparation, voilà. Mais pour te dire que en gros, vu qu'on veut aller loin dans la démarche et que là en plus c'est un truc que tout le monde connaît ou quasi, puis en plus c'est du patrimoine, c'est voilà, c'est aussi de d'y mettre du temps pour créer quelque chose de local, tu vois, quelque chose qui a bien du cœur dans le territoire, voilà, c'est ça, voilà. Eh ben, très bien. Ben, on va passer d'une Jeanne à une Meredith. On va faire une petite pause musicale avec Tristan Newarn. C'est qui, Tristan Newarn? C'est tout simplement la voix de Matmata. Je vous propose, sur son album solo, Meredith, qu'on écoute tout de suite. Sur l'amour sans suite, Meredith profite. ça passe très vite. Meredith exit les complications, alors que la ville entière est tombée en pamoison. Meredith cogite, imagine-t-on le précieux temps que je perds à t'observer du balcon. Mais le plaisir la quitte, Meredith profite, la vie ça passe vite, la vie ça passe très vite. L'invité d'Only Rock. Eh bien, l'invité aujourd'hui, c'est le groupe, le projet musical Avoriaz avec Michael et Antoine dans les studios de Web Passion. Il nous reste aller un peu moins d'un quart d'heure pour évoquer le projet Avoriaz. En discutant comme ça, je me disais pourquoi pas garder une trace un peu de la création du projet Avoriaz à travers un making-of qui pourrait alimenter après le projet. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a effleuré ou pas du tout Carrément. Après, c'est. Et si on veut parler de la suite, il y a quand même un prédzi que j'ai créé il y a quoi, il y a 3-4 mois, et dedans il y a un aspect où des petits spins, il y a une partie qui s'appelle Cliffhanger, si tu veux, et qui veut mettre en avant en fait plein de petites vidéos où on parle justement comme ça du côté créatif, des coulisses du projet. Qui fait que ça rend en plus le projet léger, et toi ça met une dimension tout autre, mais ça permet aussi d'embarquer les gens pour dire putain, mais on comprend mieux comment il en est à être tordu à ce point. Mais voilà. Alors, mais, pour emmener les gens, j'imagine qu'il faut un peu de matière, et là, l'actualité d'Avoriaz dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les projets, c'est quoi pour Avoriaz? Donc là, c'est vrai qu'il y a eu des rencontres de fait. Dont un ingé son qui a proposé donc d'être présent sur 3 morceaux, et donc voilà, et le studio P à Brière-sur-Essonne, pas loin il y a le studio Safran aussi, il y a du monde sur la place, mais voilà. Et du coup dans ces 3 morceaux il y a donc le morceau sur lequel Antoine a bien flashé et donc on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Miroir de l'âme. Donc voilà, ça c'est les prochaines choses à venir. Il y a quand même un album, mais cet album, pour le financer, vu qu'il va coûter quand même un minimum, et qu'on voulait le faire dans un studio à Fleury-les-Aubrais justement qui a ouvert il y a un an et demi, qu'on peut citer, bien sûr, Mojo. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà pris un premier jet auprès de Romain Clément, qui fait partie donc du groupe Orpheum Black, accessoirement aussi. Mais voilà, pour le financer, il y avait besoin de mettre un crowdfunding. Donc ça, en fait, ça a déjà été préparé au niveau du dossier. Ouais. Et bon, le but étant, c'est de pouvoir faire un crowd par palier, et pas faire comme Ulule, où ils demandent une somme, et après, voilà. Coup, et puis, ouais, tout le monde. Donc du coup, en fait, on veut s'ouvrir le champ un maximum, parce qu'il y a des contreparties qui font que... Voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas un truc figé, et qu'en plus, si on peut se permettre d'avoir plus, mais cette fois-ci, de par la nature des contreparties, autant pas se priver. Donc là, ça veut dire que le premier palier est lancé ou Non, là, le dossier, il est prêt pour justement savoir ce qu'on veut y mettre dedans, mais c'est pareil, on voulait déjà que, au niveau du contenu musical, on ait des choses à présenter, que le projet, enfin, que les membres aussi, on puisse, nous, bien s'ancrer, tu vois. En 3 mois, t'imagines un peu, 3 mois, c'est... Après, est-ce que le confinement, ça a permis quelque chose un peu? Bah, carrément. Tout le monde le dit, ça a permis de nourrir des choses de l'intérieur. Et puis voilà, forcément, ça aussi, c'est bon côté. Après voilà, bon, le hasard fait que j'ai repris une dimension créative que j'ai jamais quasiment eu avant, mais tant mieux pour moi. Mais en tout cas voilà, tout ça packagé fait qu'il y a des choses qui sont mises en place, cette volonté donc d'un album pour la fin d'année. J'ai donc un de mes beaux gamins qui veut créer le premier clip vidéo de d'Avorias qui serait Reste Tranquille, donc ouais. Un morceau piste noire autour de Poltergeist. Il y a déjà un scénario qui est déjà bouclé depuis ouais. Pas mal d'années. Et voilà, un peu dans l'univers ça de Stephen King. Mmh. Et voilà, donc ça c'est pour janvier pour le clip. Pour le crowdfunding, ça serait pour novembre. Ouais. Voilà. Donc ça va arriver vite parce que là on arrive à la fin du mois d'octobre. On est déjà presque au mois d'octobre. Là. Faut pas te mettre la pression. Hein, oui, mais... non, mais c'est mais merci. Et en fait, voilà, ça va se mettre doucement. Vous avez déjà des idées un peu de contrepartie? Ah non, elles sont déjà, tout est posé, le dossier il est posé quoi. Quand tu dis dossier, c'est le dossier, c'est-à-dire toute la matrice, il y a juste d'accord, à faire un copier-coller okay. Et on envoie le truc. Voilà. Et donc dans les contreparties, il y a du son, de l'image. Oui, il y a des passes. De l'art plastique, de quelque chose. Il y a des passes, il y a un voyage pour justement aller au Népal pour connaître l'origine de pourquoi on a choisi ce nom d'album, qui est les chevaux du ciel. Et il y a aussi, puisque moi je suis dans l'univers des escapes à la base, c'est de créer un ouais. escape game sur chaque morceau, ou pourquoi pas créer un morceau pour une personne et l'escape qui va avec. Donc il fait un escape game du morceau dans lequel il peut se projeter en tant que scénario. Un escape game, c'est quand même un univers complet. C'est du divertissement, mais que je te dis, mais c'est mon. T'as déjà des pistes d'endroits où pour telle chanson, tiens, je pourrais le faire à tel endroit. En fait, ce serait chez la personne. J'y achète un d'accord. kit et en fait, je l'installe chez lui. D'accord. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est de l'éphémère, c'est du fixe. Ouais, on ouais. se met d'accord sur les conditions, mais voilà. Donc, il y a encore des projets à venir dans Avorias, quoi. Bah, carrément. Et dans l'actualité toute proche, alors, là, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les prochains jours? Si ce n'est des répétitions et voilà, c'est ça. Donc, au niveau des pouvoir boucler au niveau de Miroir de l'âme, c'est la rencontre avec la chanteuse. Mmh. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait des petits concerts quand même au mois de juin et juillet. Mais après, en fait, si tu veux, je te l'ai dit, moi, j'ai été booker. Donc, en fait, j'ai fait un parc de tout ce qui est existant dans la région. Et dès qu'on est prêt, on y va. Voilà. C'est juste que on veut un petit peu aussi laisser reposer, parce que t'as vu là, on ne sait pas, et ça fait un peu ying, ça fait un c'est petit ça, peu. J'allais dire, il y a voilà, le projet Avorias qui est en transformation, qui est en création, qui est en voilà. processus. Mais même, je parle même des conditions sanitaires. Mais il y a aussi la situation actuelle voilà. qui fait que voilà, on ne sait pas trop. Donc, la fin d'année, ce que ça va être, et voilà. encore moins début 2021. Et quand on sait que le booking, bah. Ça s'anticipe un petit peu, ça se prévoit. Enfin, voilà. 2021, ça se préparait maintenant, quoi. Exactement. Donc, en gros, plus on arrive à profiter de la situation actuelle pour creuser et mettre du contenu, organiser les choses, plus quand ça va tomber, c'est clair que voilà. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez patient. C'est juste que voilà, on veut pas aller trop vite. Mmh. Mais même pour moi, je suis quelqu'un d'assez. Faut que ça y aille, mais malgré tout, faut être réaliste. Voilà, faut être réaliste. Donc moi je ferai des concerts demain, mais voilà, je sais que j'ai besoin aussi de poser les choses, de savoir quel morceau je veux jouer sur scène, même s'il y a déjà des presets qui sont déjà bouclés, c'est cool. Mais voilà, faut profiter de cette situation où c'est émergent et dès que ça va venir, voilà, toi pour tout ce qui est fin d'année là, ça va fleurir bien, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un filage qui est prévu, des répétitions publiques ou une résidence qui pourrait être, ça pourrait être sympa, organisée ouais. Pas pour le moment. Dans la région, il y a différents lieux qui pourraient vous accueillir. Ouais. Mmh. L'Argonaute, par exemple. L'Argonaute, oui, ou à les Bains-Douches, à Lignières, près de Bourges. Ah oui, il faut déjà un peu bouger. Mmh. Okay. Ou le Château d'Eau. Après, l'Astrolabe aussi fait aussi ça par moment. Il y a des salles, quoi. C'est clair. Mais bon, voilà, projet avec une belle dimension. Après, faut pas se griller trop vite, faut pas se mettre trop la pression, faut y aller, et puis ça vient. Parce que faut que ça reste, comme on en parlait avant, une passion, et qu'on soit animé par ça. Et la flamme reste. Et reste, puis, tout à fait. Puis il reste du boulot aussi, du côté batteur. il reste quand même du boulot pour proposer un truc. Ouais, voilà, on veut vraiment des grilles qui soient originales et qui soient pas entendues et qui respirent vraiment une frappe qui nous appartienne. Et en fait, ça c'est vachement plaisant, quoi. Je voulais simplement, Antoine, tu parlais de la batterie, Michael. Bah moi, je suis un peu le tout. Métronome, quoi. Voilà. Mais à Boryaz, ce n'est pas que Michael et Antoine. Voilà, il y a aussi Sacha. Donc. Sacha. Voilà, gros clin d'œil on à toi salue, quand hein, même. Sacha, voilà, qui n'est Sacha. Pas là, qui devait être là, mais voilà. Hein, on ne fera pas de commentaires, mais salut à toi, Sacha. Voilà, qui est donc guitariste et voilà, et c'est très plaisant aussi de, en plus de, d'Antoine, d'avoir quelqu'un qui est animé, amoureux, et ça se voit de ce qu'il est et, en tant que guitariste. Et voilà, moi j'ai besoin aussi de me prendre toute cette vague de belles choses de ces personnalités, voilà, qui ont voulu répondre présent. Et tout ça, ça fait un groupe de l'intérieur et pas juste de la musique étiquetée, quoi, tu vois. Alors, les valeurs d'Avoriaz, Sacha, Antoine et Mickaël, ce serait quoi les valeurs qu'Avoriaz voudrait défendre musicalement? La question qui tue. Ouais, la question finale. Stockade là. Allez, tu vois. On est à 4 minutes voilà. De la fin de l'émission, donc voilà, je. Bah c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit. C'est cette vibration universelle qui fait qu'on sera autant pris en tant que musicien qu'en tant que public et qui passe cette barrière, tu vois, voilà. Moi, ce sera mes deux pour moi. Moi, dégager une émotion. Donc, voilà. On est dans la sensibilité, dans le ressenti, voilà. Forcément, là, un projet qui se construit, qui naît, qui même s'il est né il y a quelques années, mais qui sort du lot, qui sort du carton et qui explose maintenant, ça s'accompagne forcément d'anecdotes, de petites choses dans les coulisses. Qu'est-ce que Avoriaz, allez, pour un peu démystifier le projet Avoriaz, qu'est-ce qu'on pourrait dire de croustillant un peu aux auditeurs, auditrices d'Only Rock? Parce que forcément, il y en a eu. Hein, oui, il y en a eu forcément. On reste correct, hein, mais évidemment dans le respect de chacun. Mais c'est plutôt des délires. Moi, j'aimerais plutôt le présenter comme ça. Moi, mon délire sur scène, ça serait d'être dans un filet à hauteur, à une grande hauteur, et en fait de faire ma musique balancée dans ce filet. Voilà, tu vois. Donc c'est pas une anecdote vécue, ce serait une anecdote que je souhaiterais. Et voilà. C'est possible. Bah, en plus, c'est réalisable. C'est réalisable. Voilà. Hein. Si toi t'en as un, vas-y, on sort le shit et non. Voilà. En répétition, un fou rire qui s'est. Les fous rires, on en a. Oui, on en a. Après, si on a des docs moins bien, il y a eu la dernière répète. Oui, voilà. Ça a été extrêmement, extrêmement compliqué pour moi. Et donc voilà. Mais bon, après, je pense que c'est pour mieux rebondir derrière. Ça fait partie du travail, du processus. Voilà, ça peut pas être toujours merveilux, super. Et je trouve que c'est ça. C'est quand on sait être à la hauteur des deux. Et de dire voilà, c'était génial, c'était moins bien, mais qu'on reste soudés, on reste une unité, et ben c'est pour moi voilà les groupes qui tiennent, parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'ambiance générale comme quoi beaucoup de groupes n'arrivent pas à tenir dans la longueur, parce que justement ils n'arrivent pas à se dire j'ai envie de composer avec cette personne, et c'est pas juste consommation et on arrête là. Bon, voilà, le mot de la fin oui. Pour Avoriaz, pour terminer cette émission de Niroc avec Avoriaz en invité. Je vous laisse, vous avez un peu plus d'une minute pour en carte blanche pour clôturer cette émission. Bonjour à mes parents que j'aime, voilà. Bonjour à ma petite copine donc qui est à Briard sur Essonne. Et puis que la musique reste éternelle et universelle, puisque je trouve que c'est, il n'y a rien de plus fabuleux. Voilà. Moi j'ai là clôturé, j'ai surtout une grosse pensée pour Sacha. Ouais. J'espère qu'il aura pu savourer ça à distance. Eh bien, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous avant la fin de l'année pour éventuellement parler du projet qui continuera d'avancer et pourquoi pas de l'album à venir l'année prochaine. C'est ça. Hein, mmh. Donc on reste en contact dans l'Only Rock et s'il y a besoin d'un soutien, d'un relais, eh bien Only Rock est là et est ouvert avec Avoriaz. Bah, merci à toi Fabien. Merci. Hein. Merci à vous Antoine, Michael. Hein. On continue, on va terminer l'émission avec un petit hommage, hein, parce que il a disparu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours. Hein. Voilà, tout le monde le connaît, l'histoire, tout le monde connais l'histoire de ce tube 54-54-46 pour les Anglais. C'est en fait le matricule de Toots Hibbert, forcément le chanteur de Toots and the Metal, qui l'avait eu, c'est ce matricule-là, pendant son séjour en prison pour possession de ganja, bien sûr. La chanson raconte avec humour et réalisme comment les matons s'adressaient alors aux détenus. Ce que l'on sait moins, c'est que cette chanson a deux versions, toutes les deux sorties sur le label de Leslie Kong, Beverly's Record. La première version, peu connue, sort en 1968, la même année que Feel Like Jumping de Marcia Griffiths, posée sur le même rhythm que pour Studio One. Difficile donc de savoir lequel des deux est le premier à utiliser ce rhythm dévastateur. La deuxième version, elle, intervient en 69 par les Toots, et c'est celle qui l'a fait connaître à tout le monde, hein, au monde entier. Il y rajoute la fameuse intro « Stick it up, mister », et le rhythm est un peu boosté, un classique qu'on ne se lasse jamais d'écouter et qui fait toujours autant danser dans les sound systems. Une pensée à monsieur Toots Hibbert qui nous a quittés il y a quelques jours. 54-46 was my number. On the alert. Say you love me, yeah. Get your hands in the air now, then you will get no hurt, mister. Ah, you know what I say, sir. Just what I mean, sir. Get your hands and your head now, then you will get no hurt, mister. Join the army. 13 days is done. Give me a number now. And he said, what's your number? I don't answer. He said, what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number? He said, what's your number now? Yeah. 54, 46. That's my number. Oh, yeah. 54, 46. That's my number. One more time. 54, 46. That's my number. Oh, 54, 46. That's my number. Three times, yeah. Give it to me four times. Onirock, émission 5 de la saison 4, terminée, les 19h06 minutes. On a dépassé légèrement le format, mais c'est pas grave. Demain, mercredi 23 septembre, 18h20, le retour sur les ondes de Web Passion de Monsieur Jackal et son émission Hot Rods, à ne pas manquer. Et je crois que le 37 ans, il y aura une petite surprise, mais bon, je laisse Jackal dévoiler tout ça. Donc demain, 18h, on Hot Rods de Jackal sur Web Passion. Bonne fin de journée à tous. Et à mardi prochain, bien sûr. Rock, la passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion.